visages déclinent son corps. Et puis je l'imaginais habitant mon décor. J'aurais tant à lui dire si j'avais su parler. Comment lui faire lire au fond de mes pensées. Mais comment font ces autres à qui tout réussit? Qu'on me dise mes fautes et mes chimères aussi. Moi j'offrirais mon âme, mon cœur et tout mon temps. Mais j'ai beau tout donner, tout n'est pas suffisant. Tous les cœurs, quand les nuages foncent, présage des malheurs. Et